Next. Ta santé. On y va? On essaye? En 32, ça passe. Oui, merci. Are you ready? Ready? Chef. Non, je me suis trompé, mais non, merde. Ah, excuse-moi. Je me suis trompé et choisi un cas. Non, je sais plus, c'est malin. It's time for the way. Heaven can ré. Un ré et un... C'est quoi déjà ça? Un si mineur, c'est ça? Voilà, je crois que c'est le si. C'est bon. Il y a un ré et un si. Je crois. 1, 2, 3, 4. Bye. Ouais, on a fait un entier, après on en fait une autre ou on en fait plus. Raising up. Faire le petit truc là. J'arrive à le faire au synthé, mais pas la guitare. Salut le poulpe. On va voir combien il en faut comme ça. Ah merde, pardon. Wow. Pardon, ouais, je me suis trompé, ouais, j'ai confondu. Ouais, je suis fatigué. Ils m'ont trop fait chier cette semaine. Merde. Alors attends. Je me suis trompé de MEI. Alors attends. Tu y vas ? Oh, 64. Ça, j'arrive à faire le refrain, normalement, je crois. Ça ? Merde. Je pars au prochain. Je suis paumé avec les métronomes comme ça. Bah oui, mais sans la batterie, je suis perdu. Je suis perdu. Comme toi. toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui donne mon à quoi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas le temps, sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Elle avait les yeux clairs, elle avait ton âge, c'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant, comme toi, comme toi, comme toi. Pour le linge. Comme toi. Allez, les linges. Comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui en vend à quoi, comme toi, comme toi, comme toi. C'est quand même une belle chanson. Dure période, dur souvenir, qui malheureusement fait partie de l'histoire. Mauvais plan. D'accord, attends. Thank you. Jamaica. Bon, tu n'aimes pas un chant fort. Ouais, mais j'arrive pas à ça. Ok, je la fais pas.